Voilà, c'est l'intempestive. Et aujourd'hui dans l'intempestive, on poursuit la série d'émissions sur l'histoire des radios libres en s'intéressant à celle expérimentale de l'Écho des Garrigues. L'Écho des Garrigues, c'est une radio libre basée à Montpellier sur le 88.5 et sur echodesgarrigues.com. L'Écho, comme vont nous l'expliquer Stéphane puis Julien, c'est une radio essentiellement musicale, d'abord illégalement puis légalement. Et puis comme on va l'entendre, le ton est resté celui des radios pirates musicales des débuts. Tout ça sur fond d'extraits de l'antenne, musique acousmatique avec Parmigiani, archives de l'époque pirate ou bien extraits d'émissions actuelles. Alors on est avec Stéphane Tosi, salut Stéphane. Bonjour. Donc toi tu es directeur des programmes de l'Écho des Garrigues depuis pas mal de temps. Oui, je suis directeur, mais en même temps, on n'est que deux salariés, alors c'est un titre honorifique. Puis bon, je fais un peu tout, hein. C'est comme dans beaucoup de radios associatives. Alors l'Écho, ça a été créé en 75. Oui. C'était une radio pirate. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu connais de cette époque-là? Bah, je pourrais en parler parce que j'étais né quand même. Mais... Il y a une personne qui s'appelle Marc Coutebrose, qui est plus connu sous l'appellation de Marco. Et c'est quelqu'un qui bidouille à fond, parce que l'Écho, ça a toujours été fait jusqu'à maintenant, mais non, ça n'a plus été possible, avec du matos qui a été fabriqué artisanalement à la maison. Et donc jusqu'en 75, ça a été irrégulier. Mais par contre, à partir de 77, c'est devenu une association. Ça a été arrêté par la police dans ces grandes années giscardiennes. Et ils ont créé les corrompus. Et par contre, à partir de 81, ça a été la première radio associative, radio libre, qui a démarré régulièrement et qui émettait de longue. Hein, voilà. Et c'était qui les gars qui ont monté ça s'appelle l'Écho des Garrigues depuis le début déjà? Depuis le début. Et même à un moment, il y a eu Loubram das Garrigas, parce qu'un Occitan, ça c'est l'Occitan. C'est Marc Goutebrose, c'est cette personne qui a géré l'Écho pendant, je dirais, 20 ans. Mais bon, il est toujours là. Moi, j'ai plus trop à faire directement avec lui, parce que Marco, c'est un spécialiste de la technique, de la télécommunication, qui est très très fort, qui arrive à bâtir des antennes, des émetteurs. Et pour faire de la radio pirate, il fallait savoir faire ça. Hein. Et il en fait des fois encore. Enfin bon, peut-être pas. Je sais que là, récemment, ben, le technicien m'a dit « Oui, je suis en contact avec Marco ». Puis le président est en contact avec Marco, qui est toujours là, en fait. Et tu sais, il t'a raconté un peu comment ça se passait quand ils faisaient de la radio pirate, comment ils organisaient le truc et tout ça? Alors moi j'adore les radios, j'adore la radio en général, donc j'étais très curieux, donc je lui posais sans arrêt des questions. Et il m'envoyait bouler parce qu'il n'avait pas envie d'être dans le trip ancien combattant. Donc j'arrête pas de dire, donc j'ai eu quelques infos, mais vraiment il a fait... Ben, il y a eu un moment où la radio... Il habitait dans une tour à Montpellier. Parce que quand on fait de la radio, c'est important d'être très haut pour placer l'émetteur, parce que plus on est haut, plus on arrose de loin. Il habitait dans un deux pièces, et la radio, c'était dans la pièce principale. Au bout d'un moment, il a dû dégager parce que... Enfin non, il a dû dégager la radio, parce que les gens qui habitent de la copropriété, ils en avaient un peu assez de l'ascenseur qui n'arrêtait pas d'aller venir, et surtout que l'ascenseur, il montait au 10e ou je ne sais pas combien d'étages. Il y a eu ça. Voilà, après... Et tu sais combien il y avait de personnes, à peu près, autour de l'Écho, à ce moment-là? Oh, ça a toujours été fluctuant. Mais autour de l'Écho, à un moment, l'Écho, on était dans un autre local. Je dirais qu'il y a la moitié de la ville qui est passée faire la fête à l'Écho. Donc il y en a peut-être un quart qui ont fait de la radio à l'Écho. Il y a quand même 250 000 habitants à Montpellier. Il n'y en avait pas avant. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'Écho. Il y a beaucoup de gens maintenant... qui après se retrouvent à la télé, à la radio. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'Écho. Et souvent, les gens me disent « Oui, quelques années, j'ai fait une émission à l'Écho. » Il y a énormément, c'est pas quantifiable. Et comment ça se passait? Enfin, est-ce que vous avez gardé un peu la mémoire de ce qui se faisait comme émission à l'époque de cette radio, enfin, quand la radio elle était pirate? Oui, oui, absolument, parce qu'il y a des émissions qui ont duré jusqu'à pas longtemps encore, hein, de cet esprit-là. Mais c'est le même esprit qui perdure. Hein. Il y a eu un passage de flambeau. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui de cette époque-là, de cette époque historique, ont attendu que certaines personnes arrivent, ils ont fait le tri, et puis au moment où les gens sont arrivés, ils se sont tirés, ils attendaient que ça. En fait, ils ne se sont pas tirés parce que ils sont là, ils contrôlent, ils critiquent souvent négativement. Ils ne disent pas quand c'est bien. Mais par contre, j'ai le sentiment qu'ils sont vraiment contents de la radicalité que ça a pris. Parce qu'il y a eu des moments... ils se cherchaient, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'eux, ils expérimentaient tout, quoi. Donc il y a des gens qui venaient avec de la bonne volonté, mais pas forcément avec un esprit radical au niveau musical. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, on discutait avec eux. Est-ce que je pourrais dire qu'il y a eu une erreur de casting? Je sais pas, voilà. Parce que c'est ça aussi, la radio libre, la radio associative. C'est également ça, l'ouverture. Hein. Et c'est quoi les différents, comme c'est une radio vraiment très très musicale, c'est quoi, tu peux nous parler des différents courants musicaux qui ont traversé l'histoire de l'Écho des Garrigues? Ben pour moi il y en a eu trois vraiment, mais peut-être que j'en oublie. Ben il y a eu une grosse période de rock espagnol, rock méditerranéen, après il y a la période techno, alors c'était techno hardcore, hein. Vraiment. Et puis là, en ce moment, comment dire, au niveau du rock, c'est vrai qu'on aime beaucoup le post-rock. Je dis ça, mais il y a des émissions de punk rock mélodique. Il y a beaucoup de la techno hardcore entre-temps. Il y a beaucoup d'expérimental. Et depuis quelques temps, c'est un peu ma faute, c'est moi le coupable. Non, il y a eu des émissions qui aiment... Il n'y a pas longtemps, d'électroacoustique, de musique acousmatique. Et j'essaie de plus en plus de balancer ça. Ben, récemment, je suis tombé sur le coffret de Parmigiani, Bernard Parmigiani, qui a été édité par Lina, qu'on ne trouve nulle part chez les disquaires. Il faut le commander uniquement à Lina. Alors. Je pense pas qu'ils en aient vendu beaucoup. Et ça, on le passe de longue. Alors Bernard Parmigiani, je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est notamment la personne, pourtant tout le monde a entendu ce qu'il fait, plus ou moins c'est la personne qui a fait le jingle de Roissy. Enfin, c'est un disciple de Pierre-Henri. Voilà. Donc on en passe pas mal en ce moment. Il y a des gens qui peuvent trouver ça pénible. Mais moi j'avoue que quand j'entends ça, j'ai une certaine jouissance. Et comme grand moment de la radio, il y a eu... Il y a eu un moment où apparemment la radio a édité un mensuel qui s'appelait La Coca Internationale. Oui, oui, c'est Marc Gouttebrosse qui a créé ça, ce journal. Et puis à un moment, ça a bien marché et ils sont partis, ils ont développé le truc. Et ça paraît de quoi ce journal? D'abord, c'était le Mirador de la Sardine. D'abord, c'était une liste de concerts, ce qui se passait à Montpellier. Et peut-être qu'à cette époque-là, il se passait beaucoup plus de choses... maintenant à Montpellier, parce que depuis le début des années 90, il y a un couvre-feu à 1h du matin. Ça recensait, en fait, c'était une liste de concerts, c'était un petit programme, je sais pas comment ça s'appelle, à Paris. Vous avez la liste de jour par jour. Lino. C'est ça, mais c'était une feuille pliée, en fait, c'était une feuille pliée en trois, comme ça, voilà. Alors je le fais, c'est pas très radiophonique. Et après, bah, y a des gens, dès que ça a marché... Ils sont partis de l'Écho, ils ont voulu développer. Parce que nous, on n'est pas trop des produits de développement. J'ai pas fait d'école de commerce. Et après, il y a eu, l'année d'après, en 87, il y a eu le jet de sardines. Tu pourrais nous expliquer ce que c'était ce moment-là? À Montpellier, il y avait un maire depuis 77 qui s'appelle Georges Frêche, qui, je pense, a fait parler de lui, vous devez le connaître certainement à Paris, c'est un homme fort sympathique, mais il a une certaine mégalomanie. Une petite tendance raciste aussi. Non, pas du tout. La France a été pétainiste, voyons. Et donc, il avait décidé... Bon, à Montpellier, on a un fabuleux quartier qui s'appelle Antigone, qui ressemble un peu à la place de Catalogne, vers la gare Montparnasse, à Paris. Et là, c'est une ville entière. Hein. Donc lui, il voulait... D'ailleurs, il y a une place qui s'appelle la place du Nombre d'Or, déjà. Et c'est la longueur des Champs-Élysées. Ça a été fait par Ricardo Bofill, qui vit à Barcelone, qui est un grand architecte du sud, et qui met dans une ville du sud des maisons sans volets, entre autres. Donc je m'égare. Enfin. Et Frèche voulait jusque-là faire venir la mer à Montpellier. On est quand même à quelques kilomètres de la mer. Et donc il voulait rendre un fleuve côtier qui n'est pas du tout navigable, il voulait le rendre navigable. Et devant la mégalomanie de ce cher Georges Frèche, qui est maintenant président de l'agglomération de Montpellier, qui n'est plus maire de la ville et qui est président de la région Languedoc-Roussillon, les gens ont fait une cérémonie où ils lançaient des sardines face à l'hôtel de région du même quartier, qui a un arc de triomphe très modeste, moi je plaisante. Voilà, donc il y a une cérémonie païenne qui ressemble bien à l'écho. Et où il y a un fameux enregistrement qu'on va pouvoir passer. J'espère. Ouais. Merci à vous d'être venus si nombreux. Afin de soutenir l'écho des Garrigues dans sa lutte contre l'exclusion, le racisme, la violence et la xénophobie. Ouais. Ainsi, nos sœurs les sardines, soutien constant de notre politique radiophonique, héroïque sauveuse des fins de mois difficiles, nos sœurs les sardines sont aujourd'hui rejetées par le pouvoir technopoleux dictatorial qui leur retire leur identité. Ouais. Sont-elles basques, ces sardines, flamandes, occitanes, marocaines, qu'importe. Elles meurent pour la France sans en avoir acquis les droits. Ouais. Elles illustrent par leur sang versé que l'amour pour n'importe quel technopole peut aller même jusqu'à quelqu'un qui n'est pas né sur son sol, jusqu'au sacrifice suprême. Bravo. Parce que les sardines rejettent les micmacs politico-financiers, les prétendues équitables répartitions de fréquences qui n'avantagent que les gros maquereaux et constituent par là même des violations graves au regard des fondements classiques des droits universels du peuple humain. Petite sardine, par ce geste symbolique, nous formons le vœu d'un espace de création, radiophonique ou autre, entièrement libre et ouvert à tous ceux qui refusent les trépanations des comités directeurs despotes et xénophobes. Oui. Allez nager. Et que vive la sardine. Et que vive la sardine. Après ce premier extrait de l'écho des Garrigues qui date de 1987, on revient toujours sur FPP dans l'intempestive avec Stéphane qui nous raconte l'histoire de cette radio montpelliéraine. Est-ce que la légalisation, elle a changé des choses dans le fonctionnement ou dans la grille de l'antenne de l'écho des Garrigues ? Je ne pense pas. Je pense pas. Ce qui a changé, c'est le côté qu'ils avaient plus à se balader, à cacher le son. C'est ça, quoi, qui a changé. Bon, ils sont sortis de la clandestinité, mais non, je pense que l'esprit est toujours le même. Quoi. Là, actuellement, c'est les Côtes des Garrigues, comment c'est financé ? Bah, principalement, le fonds de soutien. Hein. Donc, c'est ça, hein, ça, c'est clair. Je sais pas combien de pourcentage. Colossal, je pense, pour demander au trésorier de l'écho. Donc c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, voilà, qui finance toutes les radios associatives non commerciales. Et puis après, on est membre à l'écho, il y a une cotisation. Et même moi qui suis maintenant salarié, je continue à payer ma cotisation. Voilà, c'est ça. À des moments, on a vendu des t-shirts. Enfin, ça fait rigoler, mais on en a vendu beaucoup. Ce sont des trucs comme ça, quoi. Mais bon, quand on voit nos locaux... Pas besoin de beaucoup d'argent. Hein. Et est-ce que tu pourrais nous présenter déjà, comment est-ce que tu définirais l'écho des Garrigues ? Une radio libre, tout simplement. Et vous présentez quoi comme type, vous avez quoi comme type de programme sur la radio ? Alors avant tout, c'est une radio musicale. À l'heure actuelle, c'est une radio musique actuelle qui est spécialisée rock et techno. Donc ça a été ça, parce que l'écho, il y a eu plusieurs périodes. C'est une radio rebelle, entre guillemets, méditerranéenne. Donc il y a eu une grosse période rock espagnol. Bon, je veux vraiment résumer les choses, hein, parce que sinon on y sera très tard. Et après il y a eu une grosse période, c'était la radio techno du Grand Sud, quoi. C'est techno à fond. On en est un peu sorti parce que ça tournait en rond. On est revenu au rock, rock et techno. Et en même temps, on parle pas beaucoup parce que ben, les gens qui écoutaient la techno, ils n'étaient pas là pour entendre du blabla. Donc peu à peu, on a essayé d'immiscer un peu de la poésie sonore, des cadavres esquis, des trucs assez pénibles à écouter, mais qu'on aime beaucoup. Donc toi, t'es arrivé vers 82 ou 83 à la radio, c'est ça ? Ah oui, dans la radio en général, mais à l'écho, c'est beaucoup plus tard. J'ai bossé dans d'autres radios, que bon, je sais pas si c'est vraiment important de les citer. Et les gens me parlaient, j'écoutais l'écho, des fois parce que je ne vivais pas à Montpellier, et les gens me disaient, cette radio était tenue par des fous, et je crois que c'est ça qui m'a excité à vite me retrouver en tant que bénévole dans cette radio. Et toi, t'es arrivé vers quelle période ? Début 90, milieu 90. Et à ce moment-là, j'étais bénévole. Tu faisais une émission ? Voilà, je faisais une émission qui tranchait un peu avec les autres émissions parce que c'était la grosse période techno. Et on était quatre, trois garçons et une fille. Et on avait décidé de faire une émission où on invitait des gens, mais toutes sortes de gens. Et des gens, bon, ben, je devrais le dire maintenant, mais maintenant que je suis salarié, je suis sérieux. On en avait un peu rien à faire des gens qu'on invitait. C'était notre alibi pour que nous, on délire autour d'eux. Et des fois les gens le comprenaient, des fois les gens ne le comprenaient pas, mais quand les gens le comprenaient, c'était un peu tendu. Et donc nous on délirait, on racontait nos conneries, on avait des sortes de revues de presse, on s'inventait des personnages détestables, et puis la personne était là au milieu, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Ça s'appelait le café de la poste, parce que la radio était en face la poste du village où on était, donc c'était le café de la poste. Mais c'est vrai que c'était le café de la poste, dans tous les sens du terme. On a beaucoup rigolé. Mais par contre, cette émission, on rigolait, mais on l'a préparée pendant 4 heures. Et donc l'invité, c'était de faire valoir ce qu'il fallait à un invité. L'écho des Garrigues, c'est sur 88.5 mégas. Mais justement, toi, comment tu... Puisque tu dis l'écho, c'est une radio libre. Et c'est une définition qui suffit à elle-même. Mais comment tu définis... qu'est-ce que c'est la radio libre ? Ben pour moi, hein, donc ça n'engage que moi. Une radio libre, c'est bien évidemment une radio qui a gardé l'esprit des radios libres, donc juste avant l'arrivée de la pub 83-84 avec les socialistes dont Filiou, qui ont autorisé la pub et à la même époque qui ont vendu la 5 à Berlusconi. Donc voilà, ça ressemble un peu à la radio qu'on entendait avant. Et si je dis que l'écho c'est une radio libre, c'est parce que déjà, il n'y a pas de CA, il n'y a pas de conseil d'administration. C'est une démocratie directe, il y a un bureau parce que c'est une radio associative, donc on est obligé d'avoir un bureau. Mais c'est une radio libre parce que tout membre de l'écho peut venir argumenter une décision, freiner certaines directions qu'on voudrait prendre. Des fois c'est un peu pénible parce que ça dure 3 heures pour le choix d'un casque, mais en même temps ça fait le charme de la radio. Et puis c'est une radio libre parce qu'il n'y a pas de pub, et puis c'est une radio libre parce que c'est un peu un bordel sonore, et c'est surtout des sons qui sont difficiles à écouter, mais à l'époque, est-ce que les radios libres, il y avait des sons difficiles? Je ne sais pas si c'était ça le but des radios libres, je ne sais pas. Parce qu'Énergie était une radio libre aussi. Ouais, enfin, ils ont dû trahir le mouvement quand même. Bon, dès le début. Hein. Dès le début, on a su vers où ils allaient aller. Et tout à l'heure, quand on parlait... Les gens sont descendus, la seule fois où les gens quand même sont descendus dans la rue pour défendre les radios libres, c'était pour Énergie. Hein. Ouais. Radio Libertaire, ils avaient fait une petite manif aussi juste à côté. Oui, mais malheureusement, bon, je veux vexer personne, mais celle dont vraiment on a beaucoup parlé, c'était Énergie avec Dalida, parce que les gens d'Énergie, donc avec leurs émetteurs, ils brouillaient tout le monde, et les gens, ils sont descendus pour défendre les radios libres. Puis il y a eu d'autres rassemblements en province pour des radios libres, mais ces radios libres sont des radios commerciales. Mmh. Oui, comme beaucoup de radios qui ont fini comme ça. Ouais, c'est un peu normal, tous ces gens-là, ils se sont rendus compte du pouvoir qu'ils avaient, qu'ils attiraient du monde et qu'ils étaient populaires. Donc voilà, c'est ça, être populaire de nos jours, ma bonne dame. Il y a combien de personnes actuellement qui font des émissions sur les Côtes égarées ou qui s'investissent sur la radio? Alors, il y en a une trentaine. Mais bon, c'est un peu compliqué l'histoire. C'est qu'à l'écho, dans les statuts, il y a des membres actifs. Il n'y a pas des membres passifs, mais il y a des membres correspondants. Et la qualité de membre actif, c'est de faire réaliser une émission toutes les semaines. Donc là, il y en a une trentaine. Et après, les membres correspondants, ce sont des gens qui font des émissions de chez eux. Ou même, des fois, on a des gens qui ne sont pas forcément à Montpellier, qui sont loin de Montpellier, mais qui n'arrivent pas à diffuser leur émission dans une radio, et qui nous l'envoient, ben maintenant, ce qui est encore plus facile, via le net, quoi. Donc si on compte les membres correspondants, là, à cette heure-ci, je ne sais pas. Faire selon les forces de l'ordre ou selon les... Mais sinon, membres actifs, une trentaine. Mmh. Voilà. Mais qui s'investissent vraiment au bureau, là, ils sont quatre. Il y a quatre personnes au bureau. Après, c'est vrai que des gens qui s'investissent et qui bougent énormément, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ça, c'est... On ne peut pas le nier, hein. C'est comme pour toute association. Et donc, vous faites partie de fédérations de radio? Et oui, on fait partie de quasiment toutes les fédérations. Alors, on est à la CNRA. Confédération nationale. Et radio associative. Localement, c'est la FranLR. Et surtout, on est membre de la Fédération Rock que nous avons créée à Montpellier au début des années 90. Tu peux expliquer ce que c'est que la Fédération Rock? C'est la Fédération des radios rock associatives. Bon, le terme rock, il est galvaudé. C'est des radios qui diffusent des musiques actuelles, mais en même temps de la techno, du rock, quoi, qui sont regroupés pour défendre leur radio. Mmh. Pendant un moment, je m'en occupais. Maintenant, Sam Déco, c'est plus trop moi qui m'en occupe. Et justement, l'écho des Garrigues a enterré le rock en 93. J'ai vu ça sur votre article Wikipédia. Ils sont devenus, parce que j'étais plus ou moins, mais c'était à fond techno, hein, le rock était mort. Et bon, même le rock, il est mort depuis longtemps. C'était quoi cet enterrement du rock? En fait, il y avait un truc, une grosse manifestation récupérée par des gens de Paris, il faut se méfier des gens de Paris, je vous présente, et ça s'appelait l'état du rock. Et durant cette manifestation, l'écho avait monté un confessionnal, ça je pense que c'est le terme. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît ça avec des émissions populaires à la télé, et on demandait aux gens de s'expliquer par rapport au rock, quoi. Mais sinon, bon, l'écho, même si c'est pas rock, techno, on a quand même gardé un esprit rock, quoi. Et un esprit rock, c'est pas forcément lié à une musique. Attention, ce programme pourrait comporter des propos susceptibles de heurter vos oreilles sensibles. Je m'appelle Pascal Niri, mais je m'appelle aussi François Lindenfeld. J'écris depuis tout petit. J'ai eu des périodes où j'avais plus ou moins envie d'envoyer des textes aux éditions. Enfin bon, ça m'est arrivé deux fois. J'aime ce côté interdit d'édition, comme on est interdit bancaire. Et là encore, je choisis mon camp. Chers petits amis. Et maintenant, commençons. 2, 3, 4, 5, 5, 5. Le morceau qui s'appelle Destination est un morceau de 16 minutes où à la guitare il y a Joël Mas, à l'électroacoustique et composition Jacques-Marie Bernard et à la trompette effet Pascal Deleuze. C'est un morceau où c'est une femme qui rentre dans un métro. C'était un extrait de Zarba, l'émission de Stéphane sur l'écho des Garrigues. Mais FPP n'étant pas l'écho, on ne va pas écouter les 16 minutes intégrales de ce morceau, ou plutôt si, mais en fond sonore, pendant que Stéphane continue à nous parler de l'histoire de l'écho des Garrigues. Vous êtes dans l'esprit des radios libres, même des premières radios libres qui ont été écrites, qui étaient d'ailleurs des radios musicales, hein, comme Radio Caroline ou Radio Véronica et tout ça. En fait, l'écho, ça a démarré en 75. C'était pas associatif. Par contre, en 77, c'était une radio pirate toujours, mais c'était associatif. Et c'est vrai que c'était des gens qui ont créé ça parce qu'ils voulaient entendre un son qu'on n'entendait pas. Par nous, dans le sud, c'était RMC, donc... On n'entendait pas forcément ça sur RMC. Et également, l'écho a été créé en réaction parce que les premiers gens vraiment qui ont œuvré dans les radios à Montpellier, c'était plutôt des gens de droite. C'était Radio Fil Bleu. La radio giscardienne. Voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et après, c'est devenu la radio rock du Rockstore, qui est un lieu local à Montpellier. Voilà, mais c'était une radio de droite avec... fois des propos bizarres. Qui a d'ailleurs revendiqué d'avoir beaucoup aidé à la chute du monopole de la radiodiffusion. Oui, ils sont énormément cités dans un ouvrage là, qui a été édité par l'INA. Dans cet ouvrage, on ne cite pas l'écho, c'est pas grave. Et là, depuis les années 90, est-ce que tu pourrais nous retracer un peu les moments importants de l'écho? Les grandes évolutions de l'antenne, en fait, depuis que toi, tu y es. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais vraiment, pour moi, un truc symbolique de l'écho, c'était la période techno avec les écomobiles. Donc, comme il y avait la gendarmerie qui disait les rêves. Donc, en fait, il y avait quelqu'un qui venait mixer à l'écho, qui diffusait le son, donc un DJ, et d'ailleurs des gens qui sont devenus importants maintenant. Je ne sais pas s'ils viendraient mixer à l'écho à nouveau. Donc la police ne pouvait pas saisir le matériel, hein, puisque les gens allaient avec leur transistor, leur autoradio. Et ça, ça a été un grand moment, parce que même à Paris, hein, j'ai rien forcément contre Paris, mais vous étiez au courant, il y a Canal+ qui était descendu pour nous filmer. Tu sais, on n'a pas trop de rapport avec Canal+. J'espère. Puis non, mais je parle de Paris, je fais de l'humour par rapport à Paris, alors que j'ai absolument rien contre Paris. Donc voilà, pour moi, c'était ça, les écomobiles, oui. Symboliquement, ça a été ça. Il y a eu des menaces ou pas sur la fréquence ou des moments de galère particuliers? Oui, là, ça s'est calmé, mais oui, régulièrement, dès qu'il n'y en a pas la candidature. Hein. Pourquoi vous aviez particulièrement des inquiétudes par rapport à ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient développer l'écho, qui avaient de l'argent, qui avaient des projets, qui voulaient faire une radio rock. Mais bon, le rock, c'est un vaste domaine. Est-ce que vous bossez avec d'autres radios actuellement, soit dans la région, soit plus largement en France ou dans le monde, qui sait? Alors j'ai envie de dire oui, mais on essaie. Mais c'est pas évident, parce que l'écho, c'est un truc à part. Hein. Je dis pas que c'est bien ou mieux que les autres, c'est tellement différent qu'au niveau régional, on n'y arrive pas. Hein. On essaie. Il y a des radios qui diffusent des trucs de l'écho, ou des fois nous on diffuse des trucs d'autres radios, mais à la limite les trucs qu'on diffusera d'autres radios, il y en a très très peu. C'est plutôt des trucs que mes autres radios vont diffuser à 2h du matin, qui sont produits chez eux, donc nous on va les mettre à 16h. Mais non, j'ai un grand regret, à travers les différentes fédérations que j'ai citées, on ne s'est pas retrouvés, quoi. Je me retrouve pas. Enfin, à titre perso, non, pas tant que ça. Bon, il m'est arrivé là, de faire à titre perso des émissions que j'ai données à d'autres radios. Ils les ont diffusées. Mais je regrette donc qu'il n'y ait pas plus d'échanges. Il y en a certains, notamment au sein de la Ferrarock, on a une émission commune par rapport à certains artistes sur des plans partenariats. Mais je crois que ce sera ma grande déception, ce manque d'échanges. Qu'est-ce que tu penses de manière plus générale du paysage des radios associatives non commerciales actuellement? Ah ben, je suis très déçu hein, parce que la plupart des radios, alors ils prennent le programme RFI, donc il y a les infos de RFI, il y a l'HP Audio, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, ces banques de programmes pour les radios pour les radios associatives. Et souvent je traverse la France et on allume la radio. Bon, ça va être prétentieux, ça va être méprisant ce que je dis, et je suis déçu quoi. Je suis vraiment déçu, j'entends pas les trucs, ou alors les trucs que j'entends c'est à des heures indignes quoi. Et non, je suis assez déçu, mais après peut-être que je connais pas toutes les radios. Après il y a des radios que j'aime beaucoup hein. En France, je respecte vraiment leur boulot au niveau associatif, mais des fois je suis un peu triste de voir que c'est France Culture qui passe des trucs au niveau musique et même des émissions, des propos, et je me dis quand même c'est la radio d'État qui fait ça. Alors au niveau des radios que j'aime beaucoup, peut-être que ça date, il y a une radio à Nantes que j'aime beaucoup qui s'appelle Jet FM. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup Aligre. Je connais moins Fréquence Paris Pluriel, à part quelques émissions style Constroy. Après par contre il y a des radios dont j'adore vraiment la démarche qu'ils ont, quoi. J'ai un total respect par rapport à des radios comme Radio Canu. Ça, d'autant plus que par rapport à ce qui se passe, par rapport à la radio numérique terrestre, ils ont décidé de ne pas rendre de dossier. Donc là, c'est total respect. Et j'avoue qu'en ce moment, bon, je ne suis pas tout seul, mais j'hésite beaucoup. Parce que bon, j'ai le titre de directeur, mais c'est pas moi qui aurai le dernier mot. Quoi. Mais je trouve ça vraiment, cette démarche, honorable. Quoi. Et toi, t'en penses quoi de cette sorte de grand chamboulement de la radio numérique terrestre? Oh ben, que du bien, puisque j'ai envie de gagner de l'argent. Non, je suis assez inquiet. Comme je suis assez pessimiste, j'aurais tendance à dire que c'est la fin, mais bon. Puis, on est partagé à l'écho. Il y a des gens qui veulent remplir le dossier, il y a des gens qui veulent pas le remplir. Moi, je crois que je fais partie des gens qui veulent pas le remplir. Non, j'en pense pas du bien, évidemment. Voilà. Je trouve que c'est complètement absurde. C'est la première fois que je vois un truc comme ça qui se passe, un appel à candidature. Entre-temps, c'est la première fois que je vois que le CSA reporte un appel à candidature, qu'entre-temps, il change des articles. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est kafkaïen, les portes claquent, c'est du labiche. Mais j'ai l'impression qu'après, ça va être dramatique, quoi. Et puis, c'est bon, je crois que c'est l'effet voulu, hein. Voilà. Puis en effet, je suis assez déçu par les positions des différentes radios associatives. Je suis consterné. Quand j'entends, bon, certaines personnes, je n'ai pas cité, je vais arrêter, que le combat il n'est pas maintenant, il ne faut pas se tromper de combat. Je me dis, bon, je ne sais pas, il y a des choses que je n'ai pas compris, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore compris. On va continuer à lutter, hein, de toute façon, on va se laisser abattre comme ça. Les radios libres, hein, elles ont quand même réussi à faire tomber un monopole d'État. On ne va pas se laisser évacuer comme ça du paysage radiophonique. Oui, peut-être que j'ai vieilli, je sais pas, je dis ça, mais on verra. Hein. Oh, s'il y a des gens qui veulent lutter, je peux dire que sur l'écho, on a énormément diffusé les trucs de radio en lutte, les jingles. Il y a des bénévoles spontanément qui ont repris les choses. On sent quand même qu'il y a des gens... Mais je suis surpris parce que quand on discute avec les gens ne sont pas conscients qu'il va falloir jeter tous leurs autoradios, tous leurs postes. Et encore ce matin, j'étais dans l'auto de quelqu'un qui avait acheté un autoradio, il m'a dit oh, je l'ai payé 30 euros. Je comprends pourquoi j'achèterai pas un poste maintenant, moi. Est-ce que tu pourrais nous décrire quelques émissions de l'écho pour qu'on se fasse une idée plus précise? Ben, l'écho, en gros, il y a les émissions musicales spécialisées. Vraiment, alors là, avec les puristes du rock, les puristes de la techno, techno hardcore. On n'est pas house par exemple, on est plutôt dans des... ça. Puis après, il y a des émissions de poésie, de création sonore. Alors il y a une émission, voilà, bon, il y a une émission qui s'appelle Chambre d'écho, à base de poésie sonore, de cadavres esquis. On a les étudiants des Beaux-Arts de Nîmes, qui interviennent sur l'écho parce qu'ils voulaient faire une émission. Il y a des ateliers radio aux Beaux-Arts, je ne le savais pas il y a quelques années. Et ils sont allés voir les fameuses radios associatives. Et les fameuses radios associatives leur ont dit, en gros, qu'est-ce qu'ils allaient leur apporter, quoi. Puis bon, quand ils ont entendu les trucs des Beaux-Arts, qui sont un peu laboratoire sonore, jusqu'au jour où ils ont appelé l'écho, donc c'est quand même les étudiants des Beaux-Arts de Nîmes, alors qu'on est à Montpellier, à 50 bornes de Nîmes, donc à Nîmes, ils n'arrivent toujours pas à trouver de diffuseurs, pourtant il y a des radios associatives. Et puis un jour, ils m'ont proposé ça, et on a dit oui. Mais ils ont été surpris, et puis voilà, on a ça. Donc c'est de la création sonore. Mais j'invite les auditeurs de Fréquence Paris Pluriel à aller sur le site de l'écho, www.echodesgarrigues.com, il y a toutes les informations, et puis à écouter. Voilà, c'est surtout ça qui cohabite à l'écho. On n'aura pas d'émission avec des horoscopes, on n'aura pas rien à gagner, quoi. Des fois, on offre des CD. Sinon, il y a une grosse richesse musicale. C'est vraiment une des radios où on a la chance de recevoir énormément de CD. Beaucoup de choses qui ne correspondent pas à notre format. Qu'on donne aux enfants, les pauvres, ils écoutent beaucoup de déchets. Et c'est surtout ça, c'est la musique. Et alors voilà, sur l'écho, il y a des moments où, par exemple, les émissions, c'est de 10h à 12h et de 16h à 22h. Après, on émet 24 heures sur 24, 16 heures sur 7, mais pour garder ce programme musical atypique. Chambre d'écho. Cadavreski, collage sonore. Une émission proposée par Emile Box et Alma Kroll. Alors attention, c'est chambre d'écho. Aujourd'hui, Dead Love. C'était donc un extrait de Chambre d'écho, une émission de poésie sonore de l'écho des Garrigues, cette radio basée à Montpellier, dont on fait l'histoire aujourd'hui dans l'intempestive sur Fréquence Paris Pluriel avec Stéphane. Vous vous avez des émissions, tu m'as parlé quand on a un peu discuté avant, tu me disais... pas donner les coulisses, là, c'est un peu plus... Non, pas les coulisses, mais tu m'as dit que l'Écho était une radio assez engagée aussi, tu pourrais expliquer ce côté-là? Bah déjà, il y a une émission qu'on retransmet qui est faite par l'OCL, l'OCL, je pense que les communistes libertaires, donc ça situe un peu... Mais c'est pas engagé, style dans une bannière, tout ça, parce que c'est vrai, on dit, ouais, l'Écho, c'est des gauchistes, c'est des... Je crois qu'on est engagé malgré nous. C'est-à-dire que quand la mairie fait une conférence de presse, on n'y va pas forcément pour s'extasier qu'il y a un beau tramway, qu'il y a un deuxième tramway, ou de ces choses-là. Et on nous le reproche d'ailleurs, hein, c'est un truc qu'on nous reproche de pas jouer le jeu, de pas... Mais on est engagé malgré nous. Après, il y a des émissions, y a eu des émissions sur les sans-papiers ou quand vraiment il y a besoin d'une cause, mais c'est plutôt des émissions spéciales qui sont faites ponctuellement. Voilà, récemment, il y avait une émission sur des jeunes qui font du soutien scolaire dans les quartiers, mais c'est engagé dans le ton, dans les propos, dans ce qui est diffusé. Et bon, c'est sûr que c'est à gauche de la gauche, quoi. Puis le fait de diffuser ce son-là, c'est également une sorte d'engagement. Hein. C'est plutôt... c'est pas les auditeurs, hein, mais c'est plutôt les gens qui nous connaissent pas, qui nous situent sur l'échiquier. Puis ils ont raison. Et tout à l'heure, tu me disais aussi que les auditeurs, ils jouent un grand rôle dans l'Écho des Guerriers. Oui, je disais jusqu'à maintenant qu'on est une radio libre, on n'est pas si libre que ça, parce qu'il y a une dictature de l'auditeur. Hein. Une dictature stalinienne, même. Tant mieux. Faire ça avec une dictature fasciste, quand je plaisante. Et c'est vrai que les auditeurs sont très très présents, et ça c'est incroyable. Et ben, on a un jingle d'identification de la station, parce qu'il faut dire aux auditeurs que les radios, tous les quarts d'heure, doivent s'identifier. Et comme nos animateurs, des fois, oublient de le faire, on a un truc qui arrive en aléatoire. En fait, ils peuvent le couper également durant les émissions. On l'appelle Blam Blam, c'est un sample d'Akira qui dit l'Écho 88.5. Et à un moment, on a voulu passer à autre chose, parce qu'on a les moyens techniquement de passer à autre chose. Maintenant, avec peu de moyens, on fait des trucs fabuleux, on y a eu beaucoup d'imagination. Et en fait, ce truc, il est diffusé par un Amiga, c'est un ancien ordinateur Commodore. Et quand ça s'est arrêté, on a servi du prétexte pour dire, voilà, on passe à autre chose. Et les gens, ils sont arrivés, nous ont amené des ordinateurs Amiga pour relancer ça. Et pendant un moment, sur l'Écho, il y avait volontairement des blancs entre les morceaux. Et les auditeurs voulaient garder le blanc. Là, on a réussi à en sortir, donc je ne voudrais pas en parler parce que peut-être qu'il y a des... Donc je sais pas, les gens croyaient que... Je sais pas, que l'animateur avait un malaise. Ça, c'était pour la programmation. Pourquoi vous voulez essayer des blancs? Parce qu'il y en a d'autres qui mettent la pub, donc nous, c'était le blanc. Le concept d'avoir du blanc sur l'antenne, comme ça. Ah, c'était génial, hein. Il y en a qui étaient contents, ils se faisaient des cassettes, des MP3. Là, non, on avait sorti quand même. Alors que on avait tous les outils, on avait un super logiciel qu'on a acheté très très cher pour pas tomber dans ça. Et puis on a acheté un logiciel à un moment. On s'est rendu compte que ce logiciel, ça nous faisait un rendu de radio commercial. Donc on l'a mis de côté. On marche beaucoup avec les logiciels libres. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou tu voudrais compléter quelque chose par rapport à l'Écho? Alors non, parce que je pense que je vais annuler les auditeurs. Alors l'Écho, c'est UKO. J'ai donné tout à l'heure le site. Et pourquoi ça s'appelle l'Écho des Guerriers d'ailleurs? Alors ça, je sais pas. Mais par contre, quand il y a eu la grosse époque techno, on mettait des cas partout. Donc comme les shows, l'Écho, ça faisait ringard, ils ont mis un cas. Je sais pas pourquoi ça s'appelle. Si, je me doute, c'est parce qu'autour de Montpellier, la campagne, c'est la garrigue. Et le son est venu de la garrigue. Je vois que ça comme explication. Ça y est, nous voici parvenus au sommet. Il fait un an magnifique et l'antenne est devant moi. Elle est complètement escrabouillée. Ça va vraiment pas du tout. L'Écho est foutu. L'antenne est par terre. Elle a arraché un pylône. Mais on va pouvoir réparer tout ça grâce à notre ami Marc. Qui là-bas, le cul dans la neige, c'est vainement de monter. On le voit, il charrie son sac à dos et tout va bien, car les outils arrivent, oui. Il fait très beau, enfin à ma gauche, car à ma droite, le temps se couvre. Ah, c'est fabuleux. Marc s'enfonce dans la neige. Il est assis dans la neige, tellement la neige est épaisse. Il est dans les buis. Il est même coincé. Ah, c'est très drôle de voir le président de l'écho des Garrigues ainsi mis, mais vraiment mal mis dans la neige. Il débarque. Ça y est. Son pied se lève. Non, il abandonne. On voit là-bas le massif du Ventoux. Non, il a disparu. On le voyait, mais là, on le voit plus. Et par contre, on voit encore le Mont Aigoual, très joli. Quelques nuages, mais beaucoup de neige. Et l'Écosse. Alors, je dois dire qu'on est un petit peu dépité, parce que je viens de m'apercevoir que, contrairement à ce que j'annonçais là-haut, nous sommes maintenant à environ 2 km du sommet, en redescendant. Je viens d'apercevoir que, en fait, ça ne marchait pas. Ah. Alors, il y a encore un problème. On serait-on monté pour rien ? Serait-on monté pour rien ? Eh bien, je crois que oui. On peut le dire. Ainsi, cet enregistrement restera dans les annales de l'école des Garrigues. Après ce moment d'anthologie de réparation, ou plutôt de non-réparation de l'émetteur de l'écho des Garrigues, on discute cette fois avec Julien, qui est un des animateurs de la radio. Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je me prénomme Julien, et mon émission s'appelle Soliloque, et j'ai tendance à me faire appeler Monsieur Soliloque, tu vois. Et tu fais quoi dans ton émission ? Ben, soliloque. Hein. Soliloque, c'est monologue, quoi. Comme les monologues du vagin, mais comme je suis un garçon, c'est les monologues du pénis. D'accord. Donc là, je te laisse le micro, tu te débrouilles tout seul pendant une heure. En 2 heures. Non, j'ai toujours voulu avoir 2 heures, parce qu'une heure, ça passe trop vite. Qu'est-ce que tu fais en une heure ? Tu passes 4 morceaux de musique, tu dis 2 trucs, c'est terminé. Donc toi, t'es arrivé quand à l'écho ? Alors moi je suis arrivé donc en combien, 2008, en 98, ça fait 10 ans, donc ça ferait 16, 17, 18, 95, 96. Ben, c'est Stéphane, le directeur des programmes, qui m'a invité à l'époque à faire une émission, puis il m'a dit, tu sais, c'est comme ça, c'est un peu du parrainage quoi. Hein. Stéphane, hier, il m'a un peu parlé de l'histoire de l'écho des Garrigues. Toi, qu'est-ce que tu peux raconter comme histoire, comme moment important de l'antenne depuis que tu es là ? Ben, comme histoire, je peux te raconter que quand j'étais petit, j'écoutais l'écho des Garrigues. Et souvent, d'ailleurs, les auditeurs, les animateurs sont des anciens auditeurs. Hein, c'est ça le système de parrainage, en fait. C'est ceux qui connaissent, qui écoutent, qui sont plus ou moins... Ben, malheureusement, on peut écouter que ça, quoi. Hein, sur la bande FM, il y a à Montpellier, il y a... Avant Internet, il n'y a que l'écho des Garrigues, et puis sinon quoi, France Culture, France Inter, bon voilà. Hein, bon. Et donc j'en suis venu à faire une émission, quoi. Voilà. Au début c'était une émission pour les enfants, et puis après donc j'ai fait une émission plus plus généraliste, quoi, il n'y a qu'à dire ça. Moi c'est une émission généraliste, hein, moi, mon émission. Je suis seul donc à la technique, dans le local, et quand il y a quelqu'un, ça me perturbe, tu vois, ça me... Quand tu dois faire 1000 choses, caler des disques, parler de telles choses, parce que moi je parle pas mal d'actualité, donc il faut pas dire de conneries quoi, sur l'actualité, il y a les faits, hein, c'est objectif. Après donc il faut être au courant quoi, faut pas dire de conneries quoi, voilà. Donc je fais ça, je lis, je cale les disques, je réponds au téléphone, tout ça quoi. Donc je veux bien faire l'émission avec une autre personne, mais je l'ai toujours pas trouvé. Donc voilà. Et t'avais fait de la radio avant ailleurs ou pas ? Non, c'est la radio, c'est moi j'ai commencé à l'écho des Garrigues et j'ai écouté ce que je peux te dire, c'est que j'aime c'est le seul média que j'aime, moi, la radio. Je déteste la télévision, Internet, à part France 24, que je regarde quand j'ai pas le temps de regarder les infos, parce que je regarde un peu les infos à la télé, quand même. Mais bon, les infos, c'est à telle heure, on n'est jamais... voilà. Donc, c'était quoi ta question déjà ? Est-ce que tu avais fait de la radio ? Non, moi j'ai appris sur le tas, quoi. Comme en général dans la vie, j'apprends sur le tas. J'ai arrêté l'école assez tôt et j'ai tout appris sur le tas. Et bon, ceci dit, c'est pas très compliqué, hein. La radio, c'est à la portée de... Au début, t'as une petite formation quand même, on te montre comment ça marche, et puis tu te débrouilles assez facilement tout seul, quoi. Et quand tu dis par exemple que t'aimes rien d'autre sur la bande FM à Montpellier, ça veut dire quoi pour toi de participer à une radio libre? C'est quoi faire de la radio libre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente, quoi? Ouais, que ça signifie de faire de la radio libre, quoi. Eh bien écoute, c'est un moyen d'expression, hein, puisque bon, moi j'ai quand même fait des beaux-arts à l'origine. J'ai fait 5 ans de beaux-arts, donc j'ai toujours eu un besoin de m'exprimer comme ça, que ce soit à travers des médias plastiques. Et puis là, c'est un média vocal, hein, qu'on entend, qu'on écoute. Puis il y a plein de trucs à dire. Disons qu'il y a des choses qu'on n'entend pas ailleurs, quoi. Tu vois, par exemple, dans mes émissions, je parle de choses qu'on n'entend pas forcément sur d'autres médias. Je pense qu'on n'entend pas du tout même. Comme je te disais, je fais des émissions sur l'actualité, mais il y a des trucs qui passent inaperçus ou. Et ben moi je vais aller les chercher, tu vois, parce qu'ils m'intéressent, et je les mets en relation les uns avec les autres, et il y a des polémiques comme ça qui peuvent se lancer et tout. C'est marrant, quoi. Étant donné qu'on est libre, hein, a priori on est libre, bon. Voilà. Et comment tu recommandes les cours? C'est quoi? Comment définir la radio? C'est une radio libre, donc. J'ai jamais réfléchi à ça. C'est une alternative, hein, comme on dit, le slogan de la radio, c'est l'unique alternative radio souffle. Donc on n'entend pas la musique qu'on passe, on l'entend pas ailleurs, ce qu'on dit, on l'entend pas ailleurs. Et puis il y a un côté aussi, une fraîcheur, tu vois. Puisqu'on n'est pas, on est tous bénévoles, donc on n'est pas tenu à tenir un discours, une pensée unique, tu vois, ou formaté. À part sur Internet maintenant, où Internet qui est un peu le nouveau média sur lequel on trouve des forums intéressants où on peut réagir et s'exprimer. À part ça, puis il y a une fraîcheur. Donc moi mes émissions sont toujours en direct. Si tu veux, j'ai pas droit à l'erreur. Si je dis quelque chose, s'il y a un blanc, il y aura un blanc. Ou si je tousse, tu vois, je tousserai à l'antenne. Il n'y a pas de retouche, c'est frais, c'est spontané, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce que ça représente? Comment tu définissais les cours, en fait? C'est ça, c'est un média accessible à tous par les ondes hertziennes, et puis dans lequel il y a des gens qui pensent pas forcément comme les autres, qui sont surtout pas des professionnels, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais te développer sur ce truc de que vous voulez surtout pas être des professionnels, parce qu'il y a plein de radios libres, eux ils poussent à la professionnalisation à fond. Moi franchement, je t'avouerai que j'aimerais bien gagner de l'argent aussi avec ça, parce que j'ai très peu d'argent et ça me permettrait d'avoir des revenus, mais ce serait une contrainte, en fait, parce qu'il y aurait il faudrait, tu vois, être je sais pas quoi dire d'autre, quoi, voilà. Et là, est-ce que tu peux me parler du local où on est? Donc c'est un hangar de 200 mètres carrés à peu près. Et qu'est-ce que vous faites en dehors de faire vos émissions ici? Y a toute la discothèque de la radio depuis 20 ans. Donc il y a plein de 33 tours, de 45 tours, d'archives. On stocke tout ça. Il y a une grosse discothèque. Donc on accueille aussi des groupes en résidence. Enfin, je veux dire, c'est un lieu très vivant. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? À part de la radio, rien. Hein. Et les groupes en résidence, ça consiste à quoi, la résidence? Eh bien, ce sont des groupes donc qui sont invités à venir ici pour répéter, ensuite pour participer à des émissions, présenter leur travail, tout ça, quoi, tu vois. Voilà. Vous produisez des CD en tant qu'écho ou pas? On l'a eu fait, ouais, mais c'est plus à l'ordre du jour depuis quelques temps déjà. Mais on a eu fait, ouais, des compiles de l'écho. À l'époque, c'était plutôt des 33 tours ou des 45 tours. Il y a eu aussi des fanzines, ça a été fait. Personne ne veut s'en charger, donc c'est toujours pareil, c'est le problème de toutes les assos, c'est-à-dire qu'il faut trouver la personne qui va s'occuper de ci, de ça, qui s'y tienne et tout. Donc pour l'instant, non, c'est plutôt un ensemble d'émissions. Et puis, alors, c'est pas simplement que des émissions qui sont produites par l'écho pour l'écho, c'est aussi des émissions qui viennent d'autres gens qui nous demandent de diffuser leur truc qu'on fait, quoi. Voilà. Alors, par exemple, il y a une émission qui s'appelle Damned Radio. C'est un type qui s'appelle Damien Bourdeau et qui est de Rennes, je crois, non ? De Nantes, voilà, de Nantes, et qui nous envoie ses émissions et qu'on diffuse. Il y a aussi Les Grégor, une émission qui vient d'où ? Reims, voilà, qu'on diffuse depuis des années. Voilà, ce ne sont pas des gens qui cotisent, mais c'est des émissions qui sont diffusées par les coups de Garing. D'accord. Voilà. Tu veux dire autre chose ? Pourquoi je n'ai pas pensé ? Simplement quand moi j'espère que ça va durer, que ça pourra durer longtemps parce que c'est le reflet de la société telle qu'elle est, il y a de l'argent pour ça, c'est bien que cet argent serve pour ça et que bon, il y a des grosses menaces là avec Sarkozy et toute sa bande d'avocats et tout ça, parce qu'à l'origine ce gars c'est quand même un type qui vient du droit. Et donc avec tous ces depuis qu'il est au gouvernement, il impose tout un tas de trucs bidons à la con là, et qu'on est là, je vous parlais par exemple, du numérique, le passage au numérique, donc qui est prévu pour 2012, c'est un truc complètement foireux. Et il veut tout de même, le but de tous les gouvernements, je parle des autres aussi, c'est de surveiller, de pouvoir museler ou pouvoir contrôler les médias peut-être qu'un petit média comme nous. On espère que ça va durer, quoi, mais rien n'est moins sûr, quoi. Voilà. Bah merci, Julien. Bah de rien. Voilà, c'était l'histoire de l'écho des Garrigues, une radio qui émet à Montpellier sur le 88.5 ou bien sur internet sur www.echodesgarrigues.com. On discutait donc avec Stéphane et Julien. Cette émission sera rediffusée mercredi 11 mars à 10h sur FPP et puis elle restera disponible sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.